Savez-vous comment s'appelait la place située devant l'hôtel de ville à Paris, au bord de la Seine, flanquée d'une plage de sable, la rendant facile à accoster pour les bateaux ? Sur cette place se tenaient les exécutions et les réunions des ouvriers qui cherchaient un emploi. En 1803, la place devint place de l'hôtel de ville. Mais avant cela, c'était la place de la grève. Ça vous dit quelque chose ? Chaud, chaud, chaud, chaud, jours de grève, presque un an, la plus grande grève qu'ait connue la Grande-Bretagne. La grève qui s'est étendue à de nombreux corps de métier donne à Paris un aspect inattendu. Nous lutterons dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades ? Oui ! Pourtant, la grève n'a pas attendu le chômage pour avoir lieu. Si on remonte encore dans le temps, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le moyen choisi par les femmes pour forcer les hommes à arrêter la guerre. Du moins, c'est ce que raconte Lysistrata, une pièce hilarante écrite par Aristophane. Pourquoi cette assemblée de femmes ? Quelle affaire si importante ? Une grande affaire ! Et grosse aussi ? Oui, grosse, certes. En ce cas, comment n'arrivons-nous pas ? Il ne s'agit pas de cela. On serait vite réunis. C'est une affaire qui m'a coûté bien des recherches, bien des insomnies, que j'ai ballotté en tous sens. Ça doit être quelque chose de bien fin pour être ballotté ainsi. Tellement fin que le salut de la Grèce entière est aux mains des femmes. Des femmes ? Oh, alors, il tient un peu de chose. Oui, sur nous repose la République. Autrement, plus de Péloponnésiens. Excellente chose, certes qu'il n'y en ait plus. Tous les Béotiens sont anéantis. Tous, non, épargne au moins les anguilles. Quant à Athènes, je ne prononcerai pas un pareil blasphème, mais complète ma pensée. Si au contraire, les femmes se réunissent ici, celles de Béotie, celles du Péloponnèse, nous-mêmes, par notre concours, la Grèce est sauvée. Bonjour Pierre Judet de Lacombe. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Tout le sel de cette pièce tient au choix du moyen employé par Lysistrata pour faire grève. Je vais maintenir le suspense encore quelques minutes. Avant cela, j'ai dit que c'était une pièce hilarante. Est-ce que vous souscrivez ? Ah oui, là, en la relisant, là, j'ai beaucoup ri. Je veux dire, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle soit jouée, ce qui poserait des problèmes de mise en scène gigantesques parce que c'est une obscénité joyeuse, philosophique, poétique, tellement débridée que ça demande énormément d'imagination. Vous êtes traducteur, vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez traduit notamment Homère, vous êtes souvent venu à ce micro pour en parler. Vous avez aussi traduit Aristophane, mais la pièce qui s'appelle Les Grenouilles. Oui, Les Grenouilles, c'est le combat donc entre Euripide et Échille, et je dois dire, je me suis tordu de rire pendant les quelques mois. Tout Homère est à tout, pardon, tout Aristophane est à mourir de rire, c'est ça ? Oui, absolument. On en est toujours surpris. Il y a des pièces plus ou moins drôles, etc. Je veux dire, donc, mais c'est une inventivité permanente. Donc, c'est vraiment l'esprit libre contre tout, avec tout, qui tous les matériaux sont possibles, tous les discours sont possibles, et c'est la forme théâtre fait que tout change de sens et devient extraordinairement provoquant et drôle. Et comment faire, là je m'adresse au traducteur que vous êtes avant d'entrer dans la pièce, comment faire pour que le texte de l'époque, non seulement c'est une autre langue, mais c'est une autre époque, puisse continuer à faire rire aujourd'hui ? Alors c'est vraiment difficile parce que d'abord il y a énormément de références à la vie politique, on n'en a strictement plus aucune idée, et donc ça à traduire c'est très dur, alors ou bien on transpose, on met des noms de personnages contemporains, ce qu'il faut c'est faire sentir qu'il y a allusion. Et surtout ce qui est difficile pour nous c'est que c'est vrai que c'est obscène, il n'y a pas un vers d'Aristophane qui n'ait pas un sens obscène mais... Obscène carrément. Oui vraiment sexuel ou scatologique, je veux dire, mais en souterrain, mais le langage est très rarement vulgaire, c'est-à-dire que de temps en temps il y a des mots bien les bons gros mots dénotatifs, on voit exactement ce que c'est, accompagné d'ailleurs d'actes scéniques, bon, qui étaient difficiles à représenter, j'imagine. Mais c'est un détournement du haut langage. C'est-à-dire que c'est le grand langage poétique, juridique, politique, religieux, philosophique, qui au lieu de dire des réalités éthérées, des réalités abstraites, des réalités pures, sert à dire en fait les réalités les plus basses. Et donc c'est ce renversement qui est drôle. C'est pour ça que il faut s'inspirer évidemment de Sant'Antonio, il faut s'inspirer de Rabelais, il faut retrouver des états du français qui sont pas le français, disons, académique, pas le français normal, pas le français littéraire. Là, il faut être vraiment libre, il faut inventer, il invente des mots tout le temps, mais ça, on demandait ça aux poètes. Donc il faut retrouver cette forme de rapport au langage grandiose pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et du coup, ça devient grandiose. Alors justement, on va en faire l'expérience dans un instant. On va entendre l'extrait suivant, annonce le moyen trouvé pour faire grève par Lysistrata. C'est une adaptation de la RTF, c'était le 22 avril 1954. Écoutez ce qu'elle dit, puis je vous dirai ensuite comment le traducteur en Pléiade, l'édition dont nous nous sommes servis pour préparer cette émission, Pascal Tiercy, lui-même a traduit ce même mot. si je découvre un moyen, vous unir à moi pour mettre fin à la guerre. Oui, par les deux déesses. Moi, j'en suis. Du sais-je, mettre en gage, c'est surtout. Et le boire aujourd'hui. Moi aussi. Du sais-je, comme une barbue, être coupée en deux et donner la moitié de moi-même. Oh, moi aussi. Je grimperai au sommet du Tagette, si je devais y avoir la paix. Alors, je parle. Il n'y a pas à vous en faire un secret. Femme, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi ? Dis. Il faut nous abstenir de la chose. Oh, oh non, non. Pourquoi vous détournez ainsi? Où allez-vous? Écoutez donc. Oh, à quoi bon pincer les lèvres et hocher la tête? Et pourquoi ce changement de couleur, ces larmes qui coulent? Et le ferez-vous? Ne le ferez-vous pas? Décidez-vous. Non, je n'en ferai rien. Il faut nous passer de la chose, dit l'adaptation que nous venons d'entendre, et dans le texte que j'ai sous les yeux, Bibliothèque de la Pléiade, s'il vous plaît, eh bien, nous devons nous passer de quéquette. Qu'est-ce que vous choisissez, Pierre-Jules Lacombe, la chose ou la caca? Oh, je sais pas. Je parle de la grève. Hein. Oui, vous parlez du mot, j'imagine. Donc, en grec, c'est topéos, c'est le pénis, c'est le membre viril, quoi. C'est un mot tout à fait plat, si j'ose dire, donc qui dénote une chose. Et là, donc, comme Lysistrata, donc l'héroïne, la grande héroïne de la pièce, l'héroïne positive, qui n'est jamais vulgaire, donc elle emploie le langage le plus neutre parce qu'elle est un peu gênée quand même devant ce qu'elle doit annoncer. Donc moi, je traduirais, il faut se passer ou abandonner, je sais pas, ou laisser de côté le pénis. Et pourquoi vaut-il mieux pénis que quéquette qui fait plus parce que sourire. Quéquette, c'est pas quéquette justement, c'est tout de suite, ça veut être tout de suite drôle et c'est un mot donc un mot à la fois enfantin, un peu argot qui n'est pas ce mot grec. Le mot grec là, alors qu'il y aura beaucoup de mots vraiment de ce type enfantin par la suite. Là non, c'est le mot neutre, elle veut désigner la chose de manière claire et nette et il faut pas remettre du comique là où il y en a que dans l'acte de parler et non pas dans le mot. Vous voyez, c'est ça qui est donc on c'est pas parce qu'on est en comédie qu'il faut que tous les mots soient comiques. Non, ça, au contraire, faut faire entendre les écarts. Alors que, bon, la traduction de Pascal Tiercy est assez extraordinaire par beaucoup, beaucoup de points. Sur ce, quand j'ai vu cette phrase, la traduite ainsi, j'ai tiqué. Alors, en anglais, ils disent qu'il faut la traduire par sexe. Mais c'est le sexe masculin. Donc là, il faut être vraiment, non, faut être dénotatif, bêtement dénotatif. Et c'est ça qui, je pense, et plus drôle. Donc quand on voit les réactions des autres, parce qu'elles ont bien compris de quoi, évidemment, de quoi. Et elles sont pas du tout d'accord. Elles veulent pas du tout se passer de la chose. Ben non, parce que c'est le point. Donc c'est une grève du sexe, comment. Alors comment c'est anachronique de parler de grève du sexe ou pas? Alors c'est un peu anachronique au sens où pour nous, donc on a le mot grève, on a le donc il y a la place de grève comme vous avez dit, tout ça, donc on a toute cette histoire du social, des luttes sociales qui par ailleurs étaient extrêmement dures à Athènes, c'est-à-dire la lutte entre les nobles, les meilleurs, ceux que les aristos, qui c'est comme on dit, et les mauvais, pour dire les gens de normaux, enfin les gens du peuple, on dit les kakoi, les mauvais. Donc c'était une lutte acharnée et donc même à l'époque de la pièce, hein, ça, on pourra y revenir. Donc il y avait cette lutte qui est, alors les historiens discutent que ce que c'est une lutte de classe au sens marxiste, c'est une lutte économique ou pas, non, c'est aussi une lutte de statut. Et on peut pas vraiment parler de grève. D'ailleurs, la grève, c'est pas un phénomène vraiment répandu dans l'Antiquité. Moi, donc j'ai demandé à mes amis historiens, donc ils en ont trouvé très peu. Donc un historien de Bordeaux, Christophe Pébartre, a trouvé une grève dans les grandes carrières de Paros au deuxième siècle après Jésus-Christ, où là parce que c'était un contrat qui n'avait pas été respecté. C'est pas le droit des ouvriers, des hommes libres qui avaient un salaire qui est défendu, non, c'est le contrat. Et donc ça, c'est effectivement, ça fait partie de la juridiction politique normale. Mais sinon, on n'a pas de récit de grands mouvements de grève. On peut avoir des esclaves qui se débinent, quoi, qui se quittent leur travail parce que la plupart du travail était quand même aux mains des esclaves, aux mains, si on peut dire. Donc c'est un peu anachronique, c'est une abstinence, c'est qu'à le dire, c'est une désertion plutôt. C'est-à-dire que comme s'il y avait, non pas un devoir, mais une pratique normale, donc coucher avec son mari, parce que là il s'agit quasiment uniquement de l'amour donc conjugal, donc entre... Alors c'est vrai que comme c'est la guerre, les amants de fortune sont partis aussi faire la guerre, donc on peut pas se rattraper avec eux. Il est question une fois peut-être de se rattraper avec des homosexuels, je veux dire, mais c'est à peine effleuré comme ça. Et donc il s'agit vraiment d'une pièce donc sur les liens sexuels du mariage, donc comme étant à la base de la cité. Ça c'est le point. Et donc parler de grève est peut-être un peu, bon, c'est un peu l'anachronisme, mais après tout c'est le mot que l'on a, donc on peut très bien, moi je dans la traduction, il n'aura pas à sortir ce mot-là parce qu'il n'y a pas le mot, il n'y a pas le mot grec, mais je veux dire, on peut en parler avec ce terme. D'autant que ce qu'on appelle aujourd'hui la grève du sexe existe et a eu lieu à plusieurs reprises. Voici notamment, bien, un exemple, c'était au Kenya en 2009. Nairobi reprend un flambeau de l'antiquité grecque, la révolte des femmes contre les hommes qui courent à la guerre. 10 associations lancent une grève. But, forcer les hommes à combattre la pauvreté et les violences ethniques au Kenya. Alerte générale, pas de sexe la semaine prochaine. Tout le pays ne parle plus que de ça. Un beau succès pour Anne Jogu. Selon cette militante, si la femme fait cavalier seul dans la chambre à coucher, alors les hommes vont réfléchir. Nous avons cherché le dénominateur commun de notre nation, quelle que soit la classe, la tribu, l'appartenance politique. Notre conclusion, une grève du sexe. Elle peut aider à commencer une discussion sur le gouvernement et les réformes dont le pays a besoin. En 2009, au Kenya, la grève du sexe n'a pas obtenu gain de cause, mais on peut prendre d'autres exemples. En 2006, en Colombie, à Pereira, pour faire cesser la guerre des gangs, ce fut un succès. Au Libéria, en 2003 aussi, pour mettre fin à la guerre civile. Comment, à l'époque, Pierre-Gédé de Lacombe, Aristophane, a-t-il cette idée de la grève du sexe? C'est une... Comment dire? C'est que ce que fait Aristophane, il prend ce qu'on peut appeler l'idéologie de la cité, c'est-à-dire ce qui fait que la cité tient ensemble, que les gens... accepte une certaine hiérarchie entre hommes libres, hommes, femmes, et puis les esclaves, etc. Donc, et c'est lié, là, il y a plusieurs fonctions, il y a la guerre, donc, et aussi, évidemment, la famille, la prospérité, la reproduction. Donc, tout ça est censé tenir ensemble. Mais évidemment, avec la guerre, donc la guerre contre Sparte, qui, donc la guerre du Péloponnèse, là, qui se déroule depuis 430, ça fait presque 20 ans, après un immense désastre d'Athènes qui est allé envoyer une flotte en Sicile, donc, et ça a extrêmement mal tourné. Là, c'était deux ans avant, et maintenant, Athènes s'est un peu refaite, donc, fait une santé, on a pu reconstruire des bateaux, etc. Mais je veux dire, c'est épuisant. Et donc, faut imaginer les campagnes dévastées, etc. C'est-à-dire que ce qui semblait faire le pacte social ne tient pas. Et ce que fait Aristophane, c'est de manière incroyablement libre, c'est de se dire, mais après tout, qu'est-ce que nous sommes? C'est quoi une communauté? La communauté qui est Athènes, et en plus, il y a les autres communautés, il y a Sparte, évidemment, donc qui est représentée par une femme de Spartiate qui vient, mais aussi les autres, la Béotie avec Thèbes, etc. Donc à Corinthe, toutes les villes qui sont en guerre les unes avec les autres, avec des alliances qui changent. Donc la Grèce est en train de se détruire. Et qu'est-ce que la Grèce, après tout? Parce que ce sont tous des Grecs, mais qui sont en guerre donc les uns contre les autres. Mmh. Et Aristophane se dit, mais comment tout cela peut tenir? C'est pas vraiment un projet politique. C'est un projet d'analyse. Et il s'est dit, en fait, alors que les hommes pensent que ce qui compte, c'est le rapport de force, c'est la stratégie, ce sont les magistrats que l'on nomme et qui sont plus ou moins pour la guerre, qui font la paix de temps en temps, ou bien qui la rompent, etc. Donc tout ce qu'on appelle la politique. Aristophane, il a une réflexion beaucoup plus profonde sur ce que, les philosophes appellent le politique, c'est-à-dire les principes qui peuvent être institutionnels, des normes, mais aussi c'est du langage, c'est la culture qui fait que les gens sentent qu'ils appartiennent à la même communauté politique, justement. C'est un médium symbolique, le politique. Et il y a aussi ce qu'on dit des femmes. Et ce qu'on dit des femmes est complètement contradictoire, c'est-à-dire ou bien les femmes, ce sont les bonnes ménagères, donc qui font que la maison est bien gérée, etc. Mais elles sont aussi fourbes, dépensières, adultères, etc. Mais elles ne sont pas politiquement intégrées à la démocratie. Elles ne sont pas politiquement, elles peuvent être citoyennes, donc, mais elles ne sont pas politiquement intégrées, elles ne vont jamais voter, évidemment. Mais elles sont citoyennes, mais elles ne votent pas, c'est ça? C'est ça, elles sont citoyennes, elles sont femmes libres, mais elles ne sont pas décisionnaires, elles ne sont pas porteuses de décisions. Et là, ce que Aristophane fait, c'est qu'il prend donc cet ensemble de la cité en disant, mais vous voyez, ça ne tient pas. Et paradoxalement, pour que ça tienne, il faut tout renverser, partir de ce qui est humilié, de ce qui est abaissé, de ce qui est mis de côté, c'est-à-dire les femmes, pas les esclaves, mais justement les femmes. Et ce sont les femmes qui vont décider de ce qu'est la bonne politique. Et il va faire ça aussi dans une autre pièce qu'il va écrire 20 ans après, l'Assemblée des femmes, où des femmes déguisées en hommes vont voter une loi disant que ce sont les femmes qui doivent gouverner. Et donc, ce qui fait, il renverse les choses, il analyse donc ce qui constitue la cité, il analyse aussi ce que c'est que la guerre, Et donc il casse le lien entre amour et guerre. Bon, ça c'est un lien qu'on a déjà dans l'Iliade, parce que l'Iliade c'est une guerre qui est faite pour récupérer une femme grecque, Hélène. Un début de guerre malheureusement, parce que là on est dans une civilisation d'un machisme effréné, quoi. C'est-à-dire c'est de violer les Troyennes et de les prendre comme objet. Et donc il y a une Arès et Aphrodite, donc la guerre et l'amour sont liés. Et là ce que fait Aristophane, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Et la grande helléniste Nicole Loraux l'a bien vu, c'est-à-dire c'est de mettre ensemble ces deux divinités contraires, Aphrodite, donc la déesse de l'amour, la déesse de la tribu des femmes, justement tribu qui, parce que les femmes sont toujours trop liées au désir, à la cupidité, etc., etc. Bon, excusez-moi, mais c'est pas moi qui dis ça. Et d'un autre côté, Athéna, l'hypervierge, qui est la guerrière et qui est la divinité d'Athènes. Et la scène se passe donc aux abords immédiats de l'Acropole, et le lieu essentiel, c'est l'Acropole. Et donc Athènes, c'est ça qui est aussi intéressant, donc est représentée par une femme, qui est Athéna, et Lysistrata, dont le nom veut dire celle qui défait l'armée, qui dénoue l'armée. Eh bien, donc elle a presque son homonyme, c'était la grande prêtresse d'Athéna, de l'Athéna de la cité, à l'époque, donc qui s'appelait Lysimaché, celle qui détruit le combat, celle qui dénoue le combat. Et là, il y a une allusion tout à fait directe à la réalité politique et religieuse du moment, c'est-à-dire que le culte d'Athéna était rendu par quelqu'un qui porte le nom de la paix. Bon, et la pièce y fait allusion. Donc la déesse guerrière qui est Athéna, en fait, peut se renverser, peut devenir, au contraire, liée à Aphrodite, va devenir divinité qui garde la substance de la ville. Alors, c'est pour ça, c'est que ce que fait Aristophane, il dit, il y a la ville, d'accord, ce sont les hommes qui font la politique, une politique qui varie, ils sont tous corrompus, bon, ça c'est le discours habituel. Tous, ils ne pensent qu'à gagner de l'argent par leur fonction de magistrat, etc. Donc, ou bien, puis ils envoient les hommes mourir, bon, et puis surtout ils laissent les femmes donc toutes seules. Donc tout ça est un désastre. Alors il le réanalyse et dit, mais comment c'est possible tout ça? Alors, mais comment, et surtout comment le rendre impossible? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la réflexion, vous le dites bien, entre guerre et paix, pour corollaire, la réflexion sur la différence entre les hommes et les femmes, et finalement c'est autour de la métaphore du tissage que va se jouer cette rencontre entre une réflexion, on va dire, sur le genre, même si ça pour le coup c'est très anachronique, et une réflexion sur la politique, ou le politique et la guerre. Je vous propose qu'on écoute un extrait que vous commenterez ensuite, Pierre-Judith de Lacombe. Quand notre fil est embrouillé, nous le prenons de cette façon. Nous le reportons sur les fuseaux, un brin par ici, un autre par là. De même, pour débrouiller cette guerre, si on nous laisse faire, nous enverrons de ci, de là, des ambassades. Et c'est avec votre laine, du fil et des fuseaux que vous prétendez régler les affaires les plus épineuses? Et vous, si vous aviez l'ombre de sens, vous prendriez modèle sur nos laines pour tout votre gouvernement? Comment? Dis un peu. D'abord, nous plongeons la toison brute dans le bain pour en dégager le soin. Faites passer de même les méchants sous la baguette, expulsez-les de la ville, triez les chardons. Quant à ces gens qui s'agglutinent, qui font la plotte pour se pousser aux charges, isolez-les avec la carde, écrêtez les bourgs. Puis que tous ensemble mettent sur le même métier une mutuelle bienveillance. Unissons dans un commun mélange métèques, étrangers, amis, débiteurs du trésor. Confondons-les tous. Quant aux villes peuplées par vos colons, considérons que chacune d'elles est pour nous comme un écheveau à part. Prenons tous les bouts, amenons-les ici, réunissons-les en un seul brin et formons-en une énorme plotte dont on tissera la tunique du peuple. Quelle pitié! Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la grève du sexe ce matin dans la pièce Lysistrata d'Aristophane en compagnie de Pierre-Judith de Lacombe. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la métaphore du tissage est peut-être familière à ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui connaissaient cette métaphore employée notamment, enfin dans l'Antiquité, elle est beaucoup employée, on la trouve notamment chez Platon, justement, dans Le Politique, ce que vous disiez, Pierre-Judith de Lacombe. Oui, c'est ça, c'est dans le dialogue Le Politique où Platon essaie de définir qu'est-ce que l'homme politique, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui fait sa spécificité, et donc... Et qu'est-ce qui fait le politique de donc qu'est-ce qui fait que la cité tient, qu'il y a une cité. Donc ça c'est avant la République. Et ils sont contemporains, justement. Alors ils sont, oui, et Platon et Aristophane sont strictement contemporains. Et ce qu'alors d'ailleurs tout problème, est-ce que Platon s'inspire d'Aristophane, Aristophane de Platon, parce que aussi dans la pièce l'Assemblée des femmes, donc le Praxagora, l'héroïne positive de la pièce, donc propose le communisme radical des richesses et du sexe aussi. Donc Et on ne sait pas lequel a influencé. Voilà, donc là il y a un débat. Parce qu'Aristophane s'invite aussi au banquet platonicien. Voilà, et donc dans le banquet de Platon, vous avez la comédie représentée par Aristophane. Donc il y a une espèce de familiarité donc entre les deux, ça c'est clair, parce que précisément la comédie, d'une certaine manière, elle ne fait pas de la philosophie, ça certainement pas, mais elle touche les problèmes qui sont ceux de la philosophie. C'est-à-dire que si Aristophane se demande qu'est-ce que nous appelons le politique, qu'est-ce qui fait qu'il tient malgré ses contradictions, aussi grâce à ses contradictions, eh bien ça, la philosophie en fait son objet premier, enfin la philosophie politique. Et là, avec le tissage, là d'abord, il s'agit de filer la laine, de l'épurer, et donc on a effectivement une métaphore qu'on retrouve chez Platon dans Le Politique, où il dit voilà, le vrai politique, c'est le tisserand, celui qui sait tisser. Alors donc c'est normalement c'est un métier, c'est une occupation féminine, et là vient le renversement, c'est que le commissaire du peuple là, le Proboulos là, qui vient de cette voix mâle qu'on a entendue, donc qui vient dire aux femmes, enfin vous restez chez vous, vous savez tisser, etc., les histoires de la guerre, etc., ne vous concernent pas. Et on voit dans Homère, quand on prend une femme, on dit elle va venir près du métier à tisser et près de mon lit, donc c'est ça que disent les hommes. Donc c'est vraiment la fonction féminine, et donc Hélène et Andromaque sont en train de tisser d'ailleurs, donc de moments essentiels de l'Iliade. Donc c'est vraiment l'acte féminin. Et là, ce renversement, c'est de dire attention, le tissage, d'abord faut épurer la laine, faut la trier. Eh bien c'est ça le politique. C'est d'abord donc changer. Donc après on prend les gens de manière assez large. En fait, bon, on enlève tous les mauvais. Alors la couche supérieure, ce sont tous ceux qui les magistrats, etc. Donc toujours cette idée. Alors on peut se demander est-ce que c'est du populisme ou pas. Ça, c'est à discuter. Donc tous les magistrats sont corrompus, etc. Donc ils doivent tomber. Après, bon, il y a les étrangers. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens des colonies. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans le tissage, il y a métissage. Alors dans le tissage, c'est effectivement pourquoi le tissage, c'est que ensuite, alors ça, Platon va le développer. C'est la trame et la chaîne. C'est-à-dire que ce sont deux réseaux différents qu'il s'agit de mettre ensemble. C'est-à-dire que le tissage, la vertu du tissage, c'est que non, c'est un assemblage. Et la cité est un assemblage. Et là, c'est ce que Aristophane répète de manière tout à fait à plusieurs niveaux. D'abord avec cette laine qu'il faut trier pour faire la trame et la chaîne. Et ensuite, ce tissage tout à fait étonnant qu'il fait entre Aphrodite et Athéna, c'est-à-dire les deux divinités qui sont antagonistes, qui se haïssent dans l'Iliade, ça on les voit se combattre, même violemment. Eh bien là, les deux sont complémentaires. Alors c'est ça. L'amour et la guerre. C'est l'amour et la guerre. Alors c'est dans les Histrata, c'est l'amour conjugal, hein, donc puisque même les amants, il en est un peu question, mais ils sont partis à la guerre aussi, donc voilà, il y en a plus. Mais il s'agit bien les scènes érotiques se font il y en a une donc qui tourne mal. Si on peut dire, parce qu'elle ne tourne pas du tout. C'est-à-dire, c'est. Bah, disons, la femme fait semblant de vouloir coucher avec son mari, et elle part au dernier moment. Voilà, elle part au dernier moment, et donc on est dans un, c'est complètement surréaliste. On est au pied de l'Acropole, donc dans la grotte de Pan, et là, elle arrive avec un lit, une natte, donc un oreiller, une couverture, etc. Donc comme si on avait une petite maison bourgeoise dans ce lieu sauvage, donc il y a un lieu. Alors Pan, si on dit Pan, c'est une sexualité virile, disons. Tout à fait intrusive, et là donc c'est tout ça, finalement c'est elle qui gagne en s'en allant. Alors c'est ça, parce que c'est une ce qui vaut d'ailleurs une scène très comique, parce qu'après du coup lui se relève, s'en va, il est en train de bander, tout le monde dit mais tu bandes, que voilà, se passe-t-il, et il dit bah j'ai pas pu, voilà, comme, et l'idée ne lui effleure même pas d'ailleurs d'aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est vraiment la conjugalité, à un moment, le sujet. Comme ça, il cherche un peu, mais bon, il voit perdu. Il est prêt à prendre, si on peut dire, n'importe qui, n'importe quoi. Mais le sujet, c'est vraiment quand même le mariage, en fait. C'est le mariage et c'est le désir. C'est-à-dire que c'est une grève du sexe, mais qui est une grève paradoxale. C'est-à-dire, il s'agit d'exciter les hommes jusqu'au dernier moment et puis de leur refuser. Donc, le dernier moment, avec cette idée qu'il faut un amour consensuel. Donc ça, c'est quand même, c'est pas le problème du consentement, mais enfin il faut quand même, faut qu'il y ait accord entre les deux partenaires. C'est comme ça qu'il y a la base du mariage, et du coup c'est comme ça qu'il peut y avoir la cité. Et ça, le coup que fait Aristophane, c'est de dire tout est affaire de sexe. Et à faire de sexe et de satisfaction, et donc le moment de la satisfaction devient la base du politique, puisque il faut arrivent les hommes qui sont en état de bandaison tout à fait surprenant. Donc là, il faut dire que les acteurs avaient des phallus en cuir qui devaient être érigés, donc pour les hommes, bon, certainement pas pour les femmes, même si les femmes étaient jouées par des hommes. Voilà, c'est-à-dire que, alors quand même, il faut le préciser. Ça, c'est vraiment, donc alors on ne sait pas quelle voie ils prenaient, est-ce qu'ils prenaient une voie faussement féminine ou pas, mais il n'y avait que des hommes. Et donc le cœur des vieilles, qui était censé prendre l'acropole, bon, qui s'est opposé à un cœur des vieux. Le cœur des vieux aussi devait avoir des phallus moins érigés que les jeunes. On a rejoué pour vous le serment de grève, lu normalement par deux personnages féminins. Et donc ici, c'est Georges Claes et Olivier Martineau, sans prothèse apparente, je crois, qui vont donc lire pour vous ce serment. Qu'on aille me chercher un calice et une cruche. Effleurez tout le calice, mais qu'une seule répète en votre nom, mot pour mot, mes paroles. Et vous autres, vous vous y engagerez ensuite. Nul n'a le droit, qu'il soit amant ou mari. Nul n'a le droit, qu'il soit amant ou mari. De s'approcher de moi en bandant. Allez, dis-le. De s'approcher de moi en bandant. Papa, et mes genoux se dérobent sous moi, Lysistrata. Je passerai ma vie dans ma demeure, chaste et pure. Je passerai ma vie dans ma demeure, chaste et pure. Vêtue d'une belle robe et bien maquillée. Vêtue d'une belle robe et bien maquillée. Afin que mon mari s'embrase pour moi. Afin que mon mari s'embrase pour moi. Et à ce mari, jamais je ne céderai de bonne grâce. Et à ce mari, jamais je ne céderai de bonne grâce. Et si jamais il me prend de force malgré moi. Et si jamais il me prend de force malgré moi. Je me plierai en renaclant sans vibrer en phase. Je me plierai en renaclant sans vibrer en phase. Je ne lèverai pas mes mules au plafond. Je ne lèverai pas mes mules au plafond. Je ne prendrai pas la position de la lionne sur une râpe à fromage. Je ne prendrai pas la position de la lionne sur une râpe à fromage. Si je suis fidèle à ses promesses, que je boive dans ce calice. Si je suis fidèle à ses promesses, que je boive dans ce calice. Mais si je les transgresse, qu'ils se remplissent d'eau. Mais si je les transgresse, qu'ils se remplissent d'eau. Alors j'avoue que la position de la lionne sur une râpe à fromage n'évoque pas grand-chose. Visiblement, vous... Ce qui est quand même assez surprenant, c'est de voir... Alors on passe son temps à se demander où se trouve le ridicule. Du côté des hommes ou du côté des femmes? Parce que, comme on l'a précisé, on vient de l'entendre, ces personnages féminins étaient joués par des hommes. En lisant le texte ou en l'écoutant, au bout d'un moment, on se demande si finalement le but n'est pas de ridiculiser ces femmes elles-mêmes. Alors, est-on dans une pièce féministe ou pas? Alors, féministe, non. Il n'y a pas une thèse féministe. D'ailleurs, ça, peu de Grecs en seraient capables, à part ce Euripide qui est toujours là où on ne l'attend pas. Donc, du côté des tragédies. Dans la tragédie. Là, c'est pas le cas parce que les femmes sont exactement dans ce texte et ailleurs. Ce que les hommes disent qu'elles sont. Et par exemple, c'est un serment très solennel, mais la grande menace, c'est qu'au lieu de boire du vin, parce qu'elles ont toutes envie de boire du vin, bon, selon un bon cliché anti-féministe, que le vin se transforme en eau, ce qui est quand même pas terrible, comme c'est pas la foudre de Zeus, etc. Donc, les femmes réalisent ce qu'on dit d'elles. Et ce qu'on dit d'elles est double, à savoir que les femmes peuvent être de bonnes ménagères, de bonnes tisserandes, etc., mais aussi, donc, elles pensent qu'à boire, à tromper, etc., à tromper leur mari, bon, là. Et donc, elle pense qu'à l'amour, en gros. Et donc, les femmes réalisent de cette pièce réalisent tous les clichés anti-femmes de la culture masculine. Sauf que, ça que le théâtre est quand même extraordinaire, le fait même que des hommes jouent des femmes qui parfois se déguisent en hommes, etc., ou des hommes déguisés en femmes, bon, etc., tout est interchangeable, bien fait que même des points de vue machiste sur les femmes dit par les hommes, mais quand c'est dit par une femme, ça devient révolutionnaire. Ça devient une parole de liberté. C'est ça qui est le, c'est ça que peut faire le théâtre. C'est dans ce déplacement, dans le travestissement. Et donc, on peut pas dire que cette pièce arrive à une thèse. Donc, en disant, voilà, il faudrait il faudrait la paix. Ça, certes, oui, il faut la paix. Tout le monde pouvait dire, il faut la paix. Mais ce que fait Aristophane, c'est, il prend, c'est une espèce d'acte de recul. Et c'est ça qui crée le comique, c'est-à-dire il dit, voilà, vous dites toutes et tous, vous dites ça. Eh bien, je mets ça dans des situations totalement paradoxales où on va faire la grève du sexe sur l'acropole, c'est-à-dire là où il est précisément pas question de sexe. D'ailleurs, c'est un problème que se posent les hellénistes. Au début, elle dit, on fait la grève du sexe, mais c'est chez soi qu'on fait la grève du sexe. Or là, elles sont sur l'acropole, où il est évidemment hors de question de faire l'amour, ça c'est tout à fait strictement impossible, puisque c'est le lieu sacré d'Athéna, la déesse vierge. Mais c'est justement, c'est sur les bords, l'acropole qui est là aussi où il y a tout l'argent de la cité, c'est ce qui permet de faire la guerre, donc les femmes en prennent position, mais surtout elles prennent position du lieu de la virginité. Et on voit d'ailleurs les femmes, et Saint-Nicole Leroux l'a bien montré dans son étude, l'acropole comique, que les femmes redeviennent vierges. Donc, d'une certaine manière, c'est pas simplement qu'elles s'abstiennent de sexe, mais même les vieilles, si j'ose dire, donc retrouvent une forme de virginité, comme ça, parce qu'elles deviennent avant le mariage. Et du coup, un autre mariage sera possible, un vrai mariage qui font que les hommes, au lieu de faire la guerre, penseront à leur famille. Donc, ce sont les hommes qui sont ridicules. Et les femmes, c'est là le coup de génie, les femmes ne sont pas encensées, ne sont pas lavées de tous les soupçons, de tous les péchés que la culture machiste pouvait dire sur elles. Non, c'est en les actualisant, au contraire, mais dans un lieu théâtral complètement paradoxal et inattendu, mais qui est en même temps le lieu de l'unité de la cité. Les femmes se rendaient au théâtre ? Alors, ça c'est débattu. Ah, on n'est pas sûr. On est plusieurs à penser que oui, effectivement, elle devait assister à ça, donc elle devait bien rire, quoi, de tout ça. Et donc il y avait aussi donc les métèques, il y avait pas. Alors sauf peut-être là, on est dans le festival des Lénéennes, donc il y avait pas les étrangers parce que c'est pendant l'hiver, donc les bateaux circulaient pas encore. C'est pas les grandes Dionysies, enfin bon. Mm. Mais je veux dire, oui, c'était le. Justement, ce qui est frappant, c'est que la communauté au théâtre, ce n'est pas la communauté politique strictement. C'est-à-dire que s'il y a aussi des femmes et des étrangers, ce sont les gens. Et ce sont les gens qui font la cité dans son ensemble. Et ça, les philosophes discutaient de ça dans Aristote, qui dit, bon, il distinguait entre la police, la cité, et la politéia, c'est-à-dire le régime, et tout l'appareil. Alors qu'on peut pas dire appareil d'État, mais c'était quand même quelque chose d'étatique, public. Et pour Aristote, même les esclaves, les femmes et les métèques pouvaient rentrer dans la définition de la police, puisque c'est le bien commun, et que dans le bien commun, on doit aussi introduire la production, on doit introduire la famille, on doit introduire la production de la substance, quoi, de la cité. Et ça, c'est là que Aristophane rejoint les philosophes. Il dit, mais contre ceux qui disent que la politique, c'est simplement, que la cité, c'est simplement la lutte entre les oligarques, donc les classes supérieures, et les classes inférieures, et le tout étant appelé démos, plus ou moins, mais c'est un démos qu'on le peuple, mais qui ne se voit jamais, d'une certaine manière, c'est une abstraction. Donc, contre ceux qui pensent que tout est affaire de guerre, de rapport de force, de vote, en assemblée, etc., Aristophane, comme Platon, mais comme Aristote, et avant comme les sophistes, va dire, attention, non, il faut la produire. La vie, c'est la vie concrète, donc il faut pas séparer l'économie, le familial, donc le sexuel, Du coup, Aristophane est-il plus conservateur ou subversif? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que il serait un peu à droite de François Fillon, si vous voulez. Donc, pas franchement subversif. Bon, ça, c'est pas vraiment, comme on disait, un peu à droite de Marie-Antoinette, comme on disait. Mais c'est vrai que de temps en temps, il prend des positions comme ça. Ça arrive que dans une comédie, il puisse dire, en parlant en son nom, faire une déclaration politique, comme on voit dans les grenouilles. Mais je veux dire, la question est mal posée. C'est-à-dire que là, par exemple, quand même, quand on lit la pièce, on se la pose en permanence. Alors, on se la pose, mais juste après la pièce. Enfin, donc, les pièces, 411, même. Il y a eu un coup d'État oligarchique, donc avec le régime des 400 et l'Assemblée des 5000, on a réduit le corps des citoyens, donc le corps électoral, si on peut dire. Mais ça durait quelques temps. Après, c'était les démocrates ont repris le pouvoir, bon, etc. Donc, Aristophane était plutôt conservateur, d'où effectivement cette espèce de lien bizarre avec Platon, qui lui était hyper conservateur. Mais, je veux dire, dans le fait même de faire parler Voilà, c'est la comédie, c'est faire parler ce dont on parle de l'extérieur. Ce dont les gens supérieurs parlent, les politiques, en disant les femmes doivent faire ça, même certains sages, philosophes, donc on organise la société de l'extérieur. Eh bien, la comédie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne la parole à tout le monde, aussi bien aux esclaves, aux femmes. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, il y a sur le voile, donc voilà, ouais. Sujet, là, il y a deux répliques extraordinaires. Le commissaire là du peuple dit Lysistrata, mais toi qui as un voile qui est sur ta tête, tu te mets à parler. Et Lysistrata enlève son voile, lui dit, ben, prends-le, comme ça, c'est toi qui vas te taire. Donc, il s'agit de donner la parole, c'est-à-dire que ne plus être une troisième personne. Et ça, c'est vraiment dans l'actualité la plus brûlante. Quand on a une conception du politique qui n'est même plus vraiment politique, mais qui est, comment dire, comme maintenant, économique, c'est-à-dire où les gens sont des paramètres, où les gens ce sont des ils ou des elles, des troisièmes personnes, en linguistique, on appelle ça des non-personnes. Eh bien, on peut pas leur expliquer, on ne peut pas dire aux gens, vous êtes d'abord des non-personnes, je vous mets dans un raisonnement économique, etc. Et Aristophane, c'est un peu la même chose. C'est, on donne la parole à tout le monde. Les gens veulent être des je, des tu, des vous, des nous. Et donc, elles prennent la parole. Et c'est ça que les hommes, là, en l'occurrence, qui eux prennent la parole entre eux, ils n'arrêtent pas de délibérer. Ça, c'est la cité grecque. Mais on ne délibère qu'entre hommes, pour des histoires de guerre, d'alliance, donc entre les cités, etc. Pour dessiner encore davantage le parallèle entre Lysistrata d'Aristophane, 5e siècle avant Jésus-Christ, et aujourd'hui, voici la version Lysistrata par Spike Lee. En 2015, souvenez-vous du dialogue qu'on a entendu entre Lysistrata et Calonis, joué par Georges Clès et Olivier Martineau, ici ces deux personnages féminins, dans le film sorti en 2015 qui s'appelle She-Ra, qui n'a rien à voir avec Jacques. Repeat after me. I will deny all rights of access or entrance. I will deny all rights of access or entrance. From every husband, lover, or male acquaintance. From every husband, lover, or male acquaintance. Who comes to my direction in erection. Who comes to my direction interaction. Come on. Say it. Girl, I can't do this. Come on. If he should force me to lay on that conjugal couch. If he should force me to lay on that conjugal couch. I will refuse his stroke and not give up that nappy pouch. I will refuse his stroke and not give up that nappy pouch. No peace, no pussy. No Peace, No Pussy, la version anglaise de Lysistrata, qui est très fidèle dans ce film de Spike Lee, même si c'est transposé à Chicago, dans la zone sud de Chicago, l'endroit du ghetto. C'est après la mort d'un enfant tué par une balle perdue. Un groupe de fans mené par Lysistrata va s'organiser contre la violence dans les quartiers de Chicago. C'est la question qui se pose, de savoir dans quelle mesure cette pièce, vous l'avez bien dit, Pierre-Judé Lacombe, qui est vraiment ancrée dans un contexte politique particulier, qui est celui de la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, est adaptable aujourd'hui. Dans tous les sens du terme, hein, je dis adaptable au théâtre, et même, est-ce qu'on peut le transposer à le contexte politique contemporain ? Eh bien oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est plus on va dans l'idée d'une lecture, disons, historienne de cette pièce, pour montrer que voilà, c'est paradoxal d'associer Aphrodite, Athéna, comment l'Acropole est investie théâtralement, et comment tous ces discours, tous les discours qui sont prononcés dans cette pièce sont des discours extrêmement typés, situés, comment tout ça, en fait, résonne, et résonne maintenant. Ben, je crois que c'est précisément le fait de la mise en scène, le fait du théâtre. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des discours monologiques, c'est-à-dire d'une seule voix, qui disent ce qu'est le réel politique, ou bien qui argumente pour imposer une thèse, mais une thèse contre une autre thèse, donc de politique, on a vraiment la représentation de qu'est-ce que parler, qu'est-ce que vivre ensemble, donc avec des cités différentes, qu'est-ce qu'aimer, etc. Tout ça est dit par un double acte. Ça, c'est l'acte du théâtre, je pense. C'est l'acte de détachement. Donc on analyse, mais sans avoir non plus une théorie politique. Aristophane n'est pas un philosophe. On analyse, et tout ce qui est discours, proposition, valeur, norme, devient des personnages. c'est-à-dire deviennent des choses absolument réelles, vivantes. Et ça, ça reste. C'est-à-dire cette tension entre le moment de retrait, d'analyse et cette représentation ou présentation vivante, ça c'est la force du théâtre. Et ça peut donc être transposé, d'autant que la question posée est vraiment la question essentielle, c'est mais qu'est-ce que le vivre ensemble ? Pourquoi les gens qui bon peuvent faire l'amour, peuvent faire des enfants, peuvent faire du pain ou tisser des manteaux, etc., vont à la guerre. Alors après, ça devient grotesque quand ils vont acheter leurs poireaux ou leurs légumes avec un bouclier, un casque, etc. Comme on dit, ça devient complètement donc hallucinant. Et la comédie, c'est mettre le doigt sur les contradictions de la vie sociale. Ce n'est pas dans l'idée que la vie sociale est harmonieuse. Justement pas, sinon il faudrait pas une comédie aussi paradoxale pour que avec donc ces alliances de mots, ces alliances de divinités tout à fait improbables apparemment. On reconstruit pas un tout qui aurait existé. C'est-à-dire que la comédie, c'est une utopie qui dit voilà, on est ensemble, et ben si c'était vrai. C'est pour ça qu'on parle de la Grèce, par exemple. On parle tout le temps de la Grèce, on va sauver la Grèce, etc. Parce que les Grecs, dans la pièce, n'arrêtent pas de se taper dessus. Mais je veux dire, jamais il n'y a eu de réalisation de l'unité de la Grèce, sauf beaucoup plus tard avec Alexandre, qui pour ça a écrasé les différentes cités grecques. Donc, simplement, ce qui est idéal, tout ça, tout ce que les gens se gargarisent avec ces grands mots, etc., le patriotisme, tout ça, la comédie dit, mais bon, voyons voir ce que c'est. Ce sont des gens, en réalité, qui parlent des jeux, des nous, des tu, des vous. Ce sont pas des « ils » et des « elles ». Et il s'agit de mettre ça, on met ça en conflit. Les discours même, j'imagine, les discours des gangs de Chicago Sud, ce sont des discours de violence, ce sont des discours, en réalité, où on se bat, mais des discours monologiques. C'est l'honneur, etc. Ce sont des choses, donc, comme s'il y avait des normes communes établies qu'il fallait à tout prix défendre. Même chose entre les Athéniens et les Spartiens. Donc il y a une utopie derrière la comédie, c'est ça? Il y a une très, très grande utopie, c'est prendre tous les mots. Alors, ce ne sont pas des mots, c'est pas comme la philosophie qui va construire la cité idéale, ce que fait Platon, etc. Non, c'est pas comme ça. Enfin, sauf dans les oiseaux, mais ça se casse vite la figure quand même. Puisque les oiseaux, on les rôtit aussi dans l'utopie des oiseaux d'Aristophane. C'est pas une utopie au sens d'un, on sort du réel pour aller vers le concept. Dans la comédie, on dit tout, attention, ce mouvement vers le haut, vers le concept, vers l'éthéré, vers le spirituel, etc., vers la grande culture. En réalité, ça peut opprimer parce qu'on va pouvoir avoir des grands discours sur le patriotisme, comme le discours du cœur des Veillards, qui eux défendent la grande idée de la démocratie, etc. Donc, ils se réfèrent à des expériences historiques qui n'ont pas pu vivre. Ça, c'est le grand discours idéologique, c'est monologique justement. Et ce que la comédie fait, c'est que dans un espace clos, donc l'espace de la scène, on fait exploser les différences, mais de manière parfaitement réglée, avec la musique, le maître, etc. Donc on a l'impression d'une unité, donc c'est une impression physique, qui n'est pas une unité intellectuelle. Et c'est précisément pas l'unité de ceux qui vont dire l'honneur, la patrie, ou l'honneur du gang, le chef, etc. Ça, ce sont des discours. Donc c'est un véritable contre-pouvoir, en réalité. C'est un contre-pouvoir, c'est-à-dire c'est donner aux gens l'impression. C'est comme si les mots enfin avait un sens, non pas parce qu'on arriverait à un état de choses plus juste, même représenté, mais parce que les mots sont dits par des gens. Ce sont les mots de gens qui défendent leur survie, qui défendent ou leur sexualité. Bon, ce qui, voilà. Mais jusqu'où est-ce qu'une pièce de théâtre peut avoir une force politique indispensable dans des temps troubles, que ce soit la Grèce de l'époque ou même aujourd'hui? Est-ce que finalement le théâtre, on peut en parler et montrer à quel point c'est indispensable, mais est-il vraiment une arme politique? Alors ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Ou bien on fait du théâtre pour mettre de l'acide sur les blessures, pour montrer qu'il y a les traumatismes, faut pas les oublier, ils sont là, c'est une tendance du théâtre catastrophe, du théâtre très très violent, comme ça, brutal, tendance contemporaine, ben, plus ou moins forte. Donc on dit, on veut rappeler aux gens, on veut faire une cure, comme ça, de malheur. Bon, on peut faire ça. Pendant Sarah Kane. Bon, on peut faire ça. Mais en même temps, Sarah Kane, elle est une chose quand même assez forte chez elle. Ah oui, justement. Bon, oui, justement. Ou bien on a le théâtre gnangnan qui dit voilà, on va faire plaisir simplement, ça sert à rien. Ou bien on pousse la crise jusqu'au bout, jusqu'au plus fort, et on la met, ou si là, on l'attend pas. Ah, il y a la guerre entre Sparte et Athènes, bah, c'est une question de sexe. Ah bon? Donc ça, aucun politique ni aucun citoyen d'Athènes ou de Sparte n'avait pensé ça, jamais. Et donc on met la solution là où elle ne peut pas être en réalité. Donc mais en fait on pousse le paradoxe très loin et du coup ça fait exploser comme un feu d'artifice. Là il y a une beauté. Tout ce que les mots devraient dire et ne disent pas. C'est-à-dire que donc on revivifie le langage par là. Alors ce n'est pas qu'ensuite on est gagné, on soit content, on est gagné de l'enthousiasme, etc. Et du coup on peut aller casser la figure aux Spartiates ou bien on peut aller faire son devoir conjugal chez soi. C'est pas ça le point. C'est-à-dire que simplement on a vécu un autre état du langage, des mots, donc des représentations, des images aussi. Parce que... Et ça existe encore aujourd'hui cette force. Alors ça, je pense que cette force du théâtre, elle peut exister. Il y a des immenses metteurs en scène ou metteuses en scène qui font ça, donc qui font que d'abord c'est la fête. Voilà. Le théâtre d'Aristophane, c'est une très grande fête avec des grandes obscénités magnifiques, spectaculaires, etc. Mais c'était pas facile. Ça coûtait très cher. Hein. Il fallait que ce soit très beau. Et le saut des chœurs incroyable. Donc une musique très très lancinante. Donc c'est la fête et il n'y a pas de contradiction entre la fête et le traumatisme, le désastre, la catastrophe. C'est justement catastrophe qui est faite, mais en même temps la fête du théâtre reprend le dessus. Mais c'est du coup c'est pas la fête pour oublier, c'est pas du vin que l'on boit simplement pour oublier les malheurs du jour. C'est une transposition. C'est comme si on l'esprit et le corps, parce qu'on est au théâtre, on est pris dans son corps très fortement par les émotions, comme si on pouvait vivre une autre réalité et avec beaucoup d'humour. Et ça, l'humour, c'est quand même plus que la tragédie. L'humour, c'est quand même suprême, hein, puisque tout se neutralise. Alors on peut dire, oui, du coup, c'est petit bourgeois, etc., vous voulez arriver donc à une vie paisible, confortable. Non, précisément pas. Il n'y a rien de confortable dans Aristophane, c'est un théâtre d'une brutalité inouïe. Mais justement, tout ça se fait avec humour. Après, on est avec ces dissonances, mais ce sont des dissonances quand même qui n'ont pas de conséquences. Donc on a revécu des guerres, des traumatismes, mais grâce à la forme théâtrale, grâce à la beauté du spectacle, d'une certaine manière, tout cela est à la fois respecté et dépassé. Et c'est pas oublié, c'est pas le spectaculaire simplement pour faire oublier, comme souvent on a malheureusement au cinéma. C'est-à-dire que c'est quand même là le théâtre, avec le fait que ce sont des bouts de ficelle, toujours des bouts de carton ou des bouts de cuir pour faire ses phallus, hein. Donc fait qu'on est dans l'artifice en permanence. Et le fait qu'on soit dans l'artifice, mais pris à la fois dans ces traumatismes très violents et en même temps dans cette joie, fait qu'il y a une forme de libération. Adieu mon sac, adieu ma lance, je vous balance. Adieu mon ignoble couteau, j'ai rendez-vous sur le coteau avec un fer plus doux, celui de ma charrue. Dans l'ombre du cellier, avec l'outre ventrue. Je t'invite, hein, vieux, tu viendras. De l'arbre, avec le grillon sous la cendre, avec ma femme dans les draps, qu'est-ce qu'elle va prendre? Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et à la fin, Pierre Gilles Lacombe, à la fin de la pièce, les hommes baissent les armes. Les femmes ont obtenu gain de cause. Ah oui, parce qu'il faut imaginer qu'une réunion de l'OTAN où ils sont tous en érection, mais ils n'en peuvent plus. Et donc c'est visible, comme tout, il faut écarter les tables, tout ça, parce qu'il n'y a pas la place. Et donc ils signent la paix. Donc effectivement, la paix s'établit, ce qui n'est pas vrai du tout, parce qu'on est en 411 avant Jésus-Christ, et il y aura la guerre, je sens, en 404, ou là, avec la défaite d'Athènes. Donc ils signent la paix, et donc ils peuvent aller, ensuite, ils peuvent aller se marier. Alors il y a une scène absolument épouvantable, où il y a la concorde, c'est l'échange d'Ialagé, qui est une femme nue, et ils se partagent. Voilà, avec certaines tendances homosexuelles, c'est les Spartiates quand même. Et donc, c'est tout ça. Oui, la paix est incarnée par une femme à moitié nue. Hein. Voilà, qui alors c'est vraiment obscène, c'est voilà. Et tout revient dans l'ordre, mais à la fin, on dit voilà, les couples peuvent se refaire. C'est-à-dire, il s'agit de refaire le mariage. Et c'est ça l'institution. L'idée, c'est que c'est ça l'institution de base de la cité, parce que dans le mariage, il y a à la fois le contrat, la raison, et en même temps, il y a la passion, il y a le sexe. Donc c'est la synthèse, c'est déjà un tissage. Ça, c'est la base de tout. C'est ce qui fait que en réalité, la cité peut vivre. Alors c'est là qu'il y a quand même une pointe d'Aristophane contre la vieille tradition machiste qui dit que les femmes ne sont que le danger. Non, c'est que là, ce sont les femmes qui ont permis à la cité d'avoir sa base. Et donc, à partir de là, on peut penser quelque chose comme la prospérité, comme la fête. Donc, à la fin, ça devient dionysiaque, même si au début, donc Lysistrata dit « Ah, si on avait fait une fête pour Dionysos, une bacchanale, il y aurait beaucoup plus de femmes qui seraient venues, parce qu'il s'agirait de boire. » Ben non, c'est pour arriver à la vraie bacchanale, il faut passer par toute cette intrigue ultra complexe, par la crise, quoi, pour arriver effectivement à la joie. La joie n'est pas donnée au départ, il faut la construire. Quoi. Donc la joie est dans la conservation d'un acquis, ou la joie est dans la transformation qu'aura engendré les obstacles surmontés? Alors, je pense que au niveau du contenu, c'est la conservation d'un acquis, c'est le mariage, pas plus. Mais le fait même que le mariage ait été refait par cette revirginisation des femmes, etc., le fait que les hommes soient arrivés à un état d'érection tel que, bon, ils doivent céder ensuite, on refonde tout. Donc, ce qui est nouveau, c'est la représentation théâtrale qui fait entendre ce que tous les mots comme amour, sexe, mariage, cité veulent dire. Ça, même si après, quand on quitte le spectacle, c'est fini. Donc là, il faut prendre les armes, son bouclier, sa lance, etc. Ou continuer à chanter avec les amis de ta femme, la grève des mères. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et les canons, fondant le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages, qui réunit la fraternité. Femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Merci beaucoup Pierre-Judet de Lacombe d'être venu nous parler d'Aristophane ce matin. C'était un plaisir. Comme à chaque fois, je renvoie. Alors à quoi renvoyer? Vous avez tellement traduit, eh bien, le tout Homère sous la direction d'Hélène Monsacré aux éditions Les Belles Lettres. Une traduction donc d'Homère dans son intégralité. Moi de l'Iliade. Simplement. Et voilà, vous l'Iliade, et vous allez bientôt vous attaquer à l'Odyssée, je crois savoir. Si les dieux veulent encore. Si les dieux veulent, bah moi je le souhaite en tout cas. Et j'en profite aussi pour annoncer, vous l'avez cité à plusieurs reprises au cours de cette émission, Nicole Laureau, notamment Les Enfants d'Athéna, idée athénienne sur la citoyenneté et la division des sexes qu'on trouve en Point Seuil sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle année, vous vous posez des questions cruciales. Eh oui, pendant les vacances, j'ai eu l'occasion de me poser de vraies questions. Vous savez, celles qui reviennent sans cesse et auxquelles je parie que 2020 n'échappera pas. Comme par exemple, peut-on rire de tout? Ou faut-il séparer l'homme de l'artiste? Ou encore est-il interdit d'interdire? Et j'en ai d'autres. À la fois cruciales et épuisantes, ces questions en amènent une autre. Pourquoi encore et toujours ces éternelles questions? Bruno Solo, c'est une vraie question éthique et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on dissocie l'artiste de la personne? Est-ce que Roman Polanski oui, fait des on films dissocie. Qu'on va voir ces films? Il faut dissocier parce qu'autrement, il y a les exemples qu'on nous rebâche sans arrêt. Céline. On pourrait dire Claude Autant-Lara, qui a eu des propos à la fin de sa vie absolument épouvantables. Et c'est pour ça l'homme qui a fait La Traversée de Paris, qui était un film qui dénonçait pourtant voilà la collaboration. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, enfin, elle se fait de fait. Il y a une distinction entre l'homme et l'artiste. Polanski, Gauguin, Céline, Woody Allen, les exemples ne manquent pas pour sortir de son chapeau l'éternelle question de la séparation entre l'homme et l'artiste. Soyons honnêtes, on n'en peut plus. Mais soyons honnêtes aussi,

Nous serons en compagnie de Florian Nicodème et on regardera Marx au piquet. Que dit Marx de la grève? Que dit-il vraiment de la grève? Marx par le texte, ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur l'Isistrata d'Aristophane et la grève du sexe, diffusée donc, enfin, qui vient d'avoir lieu, en compagnie de Pierre-Julien Delacombe, en vous rendant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et l'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Nous y sommes et on vous y attend. Vous pouvez laisser vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.